complex, much too complex, too complex, much too complex. Bonjour à tous et bienvenue avec nous dans cette nouvelle balado-diffusion du podcast Montréal Composite pour les étudiants en fait qui prennent le cours de composite à l'ETS. Et on a aujourd'hui avec nous Patrice de Motion Composite. Enchanté. Et puis comme co-host avec moi, Martine Dubé qui est aussi professeure à l'ETS. Bonjour. Oui, donc en fait, j'ai donné le cours moi aussi de composite à plusieurs reprises. Donc je me servirai peut-être des balado-diffusions dans le futur. Qui sait, pour les prochaines sessions, pas pour la session en cours. Ouais, ça fait 10 ans que je suis ici à l'ETS. Et je fais de la recherche sur les composés. Donc, tu auras sûrement des questions intéressantes pour les étudiants à poser à Patrice aussi. Et donc, Patrice, peut-être si déjà on démarre un peu plus sur toi, ta carrière, ce que tu as fait en tant qu'ingénieur jusque-là. OK, ben, en fait, juste pour mettre un peu en perspective, je sors de l'ETS moi aussi. J'ai fait ma maîtrise en génie mécanique sur les matériaux composites avec Martine. J'étais peut-être un des premiers étudiants à Martine. Ça portait sur le soudage par induction des matériaux composites, en fait, des thermoplastiques. Suite à ça, je suis allé travailler chez MDA, qui est une entreprise qui font des... ici, à Sainte-Anne-de-Bellevue, eux, ils font principalement des antennes de satellites. Donc, des belles surfaces réflectives qui vont jusqu'à 2 mètres, 2 mètres et demi. Maintenant, ils font probablement jusqu'à 3 mètres. Des structures en composite. Surtout là, des structures sandwich. Donc, ils utilisent Kevlar, film de carbone. C'est des structures qui posent beaucoup de défis, en fait, parce qu'ils doivent avoir une énorme stabilité, une très grande stabilité au niveau thermique. Parce que vous imaginez bien qu'une déformation qui se fait à quoi, 30-40 000 km de la surface de la Terre, ben s'il y a une variation d'angle dans la structure, ici, ça fait des centaines de kilomètres de différence. Donc, ça, c'était ma première expérience professionnelle, très enrichissante. Ensuite, j'ai changé complètement d'industrie. Je suis allé dans le fauteuil roulant chez Motion Composite. Donc, par le nom, vous aurez compris qu'on fait des fauteuils roulants en matériaux composites. En fait, c'est nos fauteuils qui sont vraiment high-end, qui sont en matériaux composites. On a des fauteuils de plus basse gamme aussi qui sont en aluminium. On utilise des matériaux composites pour les fauteuils roulants, pas juste parce que c'est flashy, parce que c'est trendy, mais il y a vraiment des bénéfices cliniques, notamment au niveau de l'efficacité de propulsion. Donc, moins de déformations que tu as dans ton fauteuil quand tu te propulses, plus t'es efficace en propulsion. Donc, tu dois dégager moins d'énergie pour le même déplacement, puis ça permet aux utilisateurs d'économiser leurs épaules. Parce que c'est très prenant là pour les épaules de se déplacer en fauteuil roulant. Puis ça permet aussi là quand on utilise les frites dans les bonnes orientations avec les bonnes structures, une meilleure absorption des vibrations. Puis ça c'est quelque chose que vous et moi on va pas sentir dans un fauteuil roulant, mais que quelqu'un qui passe sa journée dans un fauteuil roulant va vraiment finir par le ressentir. Puis ça va devenir un inconfort. Fait que l'absorption des vibrations, des petits défauts dans la route, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Puis c'est une des choses pour lesquelles on est reconnu. Efficacité de propulsion, confort de roulement, c'est vraiment là, des aspects distinctifs là, de nos fauteuils. Puis ça, c'est grâce aux matériaux composites. Parfait, parfait, très intéressant. Avant de revenir là-dessus, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta maîtrise à l'ETS? Donc, tu as dit que c'était sur le soudage des matériaux composites. Quel genre de matériaux composites? En fait, on travaillait sur du carbone PPS, surtout. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur avec d'autres thermoplastiques, là, du PEEK, mais nous, c'est vraiment sur le PPS qu'on se concentre. Fait que dans le fond, quand j'ai commencé la maîtrise, on avait déjà un peu d'équipement, on a bâti de l'outillage autour de ça pour qu'on puisse faire des spécimens. Le but, c'était de... Peut-être, avant de nous... Peux-tu nous décrire un peu c'est quoi la soudure des composites, ça marche comment? En termes d'assemblage de matériaux composites, il y a plusieurs technologies qu'on peut utiliser. La plus rudimentaire est en mécanique, donc avec des vis, on va venir percer le carbone, le matériau composite, pour pouvoir passer une vis puis mettre une noix, on va dire, de l'autre côté. Mais ça induit beaucoup de concentrateurs de contraintes. Fait qu'en général, on évite absolument de faire un assemblage dans ce cas-là. Avec les thermodurcissables, qu'est-ce qu'on fait beaucoup? C'est du collage. Donc, on vient mettre un autre polymère qu'on va venir faire polymériser entre deux pièces. Ça, on faisait beaucoup ça chez MDA notamment. Et l'autre polymère, là, tu mentionnes, c'est la colle, en fait. Hein. C'est ça, exactement. C'est une colle, c'est un adhésif. On faisait beaucoup ça chez MDA. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir sur Internet. Là, sur Google, c'est possible d'avoir des structures de réflecteurs en composite. En avant, c'est vraiment une belle coupole. En arrière, c'est vraiment comme un assemblage là, d'une centaine, 200 pièces de sandwich. Là. C'est vraiment impressionnant. Et vous vous dites que tout ça, c'est collé, là, c'est fait à la main. Fait que c'est quand même intéressant à voir. C'est le problème lié à la dilatation thermique, je suppose, là, qui force une compagnie comme MDA de coller les assemblages plutôt que d'utiliser des assemblages mécaniques. Il y a la dilatation thermique, tout à fait, c'est un point. L'autre, c'est le poids. Le poids est primordial pour les satellites. Là. Chaque 100 grammes sont importants. L'autre aspect aussi, c'est... Puisque tu veux dire, la Patrie, c'est que ça coûte, ça pèse moins de coller que de mettre des vis en plus qui est du métal. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Tu sais, c'est des gammes de colle qui font entre 15 et 30 millièmes de mémoire, là, 15 et 30 millièmes de pouces. Donc, c'est une relativement petite masse par rapport à si ça devait être mécanique. Donc ça, c'est les thermodures? Ouais, ça, c'est les thermodures. Maintenant, pour les thermoplastiques, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut venir les faire fondre avec un apport de chaleur. On va venir les faire fondre, on va appliquer une pression, on va maintenir la pression. Ensuite, on va enlever l'apport de chaleur, ce qui va amener le thermoplastique à revenir à l'état solide. Puis là, rendu là, on a un joint solidaire. Fait que c'est ce qu'on appelle le soudage de thermoplastique. Et il y a une panoplie de manières d'y arriver. Moi, mon projet de maîtrise portait sur un apport de chaleur qui se faisait par induction. Donc, qu'est-ce qu'on venait faire? C'est que dans notre cas, c'était des pièces en carbone. Le carbone en soi est déjà conducteur. Donc, tu peux générer un champ magnétique, puis ça va venir générer un courant de Foucault dans ta pièce. Donc, quand tu dis conducteur, là, c'est conducteur électrique, hein? Électrique, ouais. Exactement. Donc, fibre de carbone, conducteur électrique. Évidemment, il faut que les fibres se touchent pour avoir un circuit fermé pour pouvoir générer un courant de Foucault. Ce qui est possible là, avec un tissu de carbone, ça se fait aussi avec la fibre unidirectionnelle, mais c'est vraiment moins... La chaleur dégagée est vraiment moins importante. Fait qu'est-ce qu'on faisait, nous? On avait des laminés qui étaient faits avec la fibre unidirectionnelle de carbone, mais on venait mettre un mesh de stainless entre les deux pièces. Le stainless étant beaucoup plus conducteur que la fibre de carbone. Puis aussi, de par sa nature, ça, le contact des différents filaments, ça crée des boucles fermées. Donc, on avait une génération de chaleur préférentielle à l'interface des deux pièces. Donc, on crée un champ magnétique alternatif. Ça crée un courant de Foucault de manière plus importante dans le mesh de stainless. Ça générait de la chaleur à l'interface des deux pièces. On appliquait une pression. On enlevait le champ magnétique. On maintenait la pression. Jusqu'à ce qu'on obtienne le refroidissement, on maintenait la pression. Puis ensuite, ben, on peut utiliser la pièce. Puis c'est ça l'intérêt du soudage de thermoplastique. C'est que c'est beaucoup plus rapide comme opération qu'un collage. Un collage chez MDA, de mémoire, il fallait attendre, je pense que c'était 8 heures avant que, tu sais, il n'y ait pas de crainte de que les pièces bougent une par rapport à l'autre, là. Fait qu'il y a vraiment un gain opérationnel. Par contre, ça a aussi d'autres implications, notamment au niveau du tooling, qui est plus compliqué, plus coûteux, généralement pour les thermoplastiques. Patrice, pendant sa maîtrise, avait mis un peu là, les bases là, du soudage par induction ici à l'ETS là, parce qu'il avait été un des premiers étudiants. Là, donc, il avait développé beaucoup là, la station expérimentale qu'on utilise d'ailleurs encore aujourd'hui. Il faudrait que tu passes voir à l'ETS, Patrice. Là, on fait du soudage en continu maintenant. On a même installé des trucs sur des robots avec des compagnies qui veulent automatiser le procédé. C'était mon rêve, ça. Quand j'étais à ma maîtrise, là, je me rappelle au début, j'étais comme « Ah ouais, je vais me rendre jusqu'au soudage continu. » Puis « Ah, je vais peut-être faire un bord d'attaque d'un d'avion, je sais pas quoi. » Mais c'est le fun, c'est vraiment le fun de voir que ça grossit. Puis justement, c'est ce que j'allais dire, pour les étudiants qui iront dans le labo une de ces sessions, ben, le montage de soudage par induction devrait toujours y être et ils peuvent le voir là, celui que tu as mentionné. Enfin, ouais, l'évolution. Je sais pas à quoi il ressemblait à ton époque, mais l'évolution de ce montage en tout cas. C'est clair que ça l'a certainement bien évolué. Puis aussi, en parallèle de ça, fait que ça c'était la portion expérimentale de la maîtrise. On avait aussi fait la simulation là, pour démontrer, là, si on veut, qu'est-ce qui était important au niveau du mesh de stainless pour obtenir une bonne génération de chaleur uniforme. Là. Fait qu'on avait fait du travail de simulation aussi qui avait été assez... qui avait été le défi principal de la maîtrise, je dirais. Là. Donc, tu as obtenu ta maîtrise et ensuite, tu es allé chez MDA. Exactement. C'était des thermoplastiques que tu faisais de la soudure. Puis comme tu disais avant, chez MDA, c'est pas des thermoplastiques, c'est des thermodures. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre de différent avec ta maîtrise? Ben, tu sais, c'était beaucoup de design. Puis qu'est-ce qui est... Bon, c'est sûr qu'au niveau de la maîtrise, puis quand tu commences à travailler, la grosse différence, c'est bienvenue dans le monde réel. Donc là, chez MDA, tu sais, je m'occupais du design de ces structures-là, mais c'était aussi de faire l'interface avec le monde qui faisait la structure, le monde qui faisait tout ce qui est thermique, aussi tout ce qui était mais tout ce qui est les ondes électromagnétiques. Parce que, tu sais, qu'est-ce qui est important, c'est que tu as un signal qui part de la Terre, qui frappe sur l'antenne, qui retourne sur la Terre à une autre place. Fait que, tu sais, il y a du monde qui analysait, bon, c'est quoi la shape que le réflecteur doit avoir. Ensuite, le monde en thermique qui analyse, OK, en fonction de la position du satellite par rapport au Soleil, c'est quoi la dilatation thermique? Est-ce que ça va corrompre mon signal? Ensuite, tout ce qui est structure. Donc, OK, mon réflecteur doit avoir telle shape, je vais avoir telle vibration décollage, je vais avoir telle déformation thermique. Et c'est quoi la structure qui doit aller en arrière pour supporter tout ça? Puis comment ça va s'interfacer par rapport au satellite? Fait que ça, c'est le monde réel. Et puis là, tu parles en fait de conception. Et la conception des composites, tu dirais que c'est quelque chose qui est bien maîtrisé, difficilement maîtrisé. Ça se base sur des méthodes physiques, des méthodes plutôt empiriques d'ingénierie. Ça fonctionne comment? Chez MDA, c'était vraiment un beau mix entre la théorie puis la pratique. Tu sais, quand on regarde un spec sheet d'un matériau, c'est beau, hein, qu'est-ce qu'il peut offrir, mais en réalité, ça dépend de c'est quoi tes cycles thermiques dans ton autoclave. Ça dépend du gap de colle que tu vas utiliser. Ça va dépendre d'un paquet de... Ça va dépendre énormément aussi de la main-d'œuvre que tu vas avoir. Une main-d'œuvre qui doit être hyper stable si tu veux avoir des résultats qui sont stables aussi. Tu sais, chez MDA, là, il y avait développé, si on veut, une banque d'outils. Des types de joints composites. Il y avait chacun leur raison d'être. Il y en a, c'est pour avoir une meilleure résistance en tension. Il y en a que c'était pour offrir une meilleure résistance si tu avais un joint qui était sujet beaucoup au bending. Puis c'est tout des blocs, si on veut, dans un coffre d'outils qui avait développé au niveau théorique, ensuite qui avait testé en laboratoire, puis du laboratoire, il y avait découlé, si on veut, des règles d'art pour utiliser ces blocs-là, si on veut. Puis, arrivait souvent des cas de figure où ce que, pour une raison ou une autre, cette mission-là avait un cas de figure, un load différent pour lequel il fallait développer des nouveaux blocs d'outils, puis souvent, c'était le poids qui drivait ça. Fait que, par exemple, à un moment donné, on devait développer, c'était un panneau qui tenait des sources d'alimentation RF, puis la dilatation thermique allait être critique. Les alimentations RF, c'est en aluminium. Puis le panneau, pour avoir une résistance intéressante en vibration à cause du cas de chargement, devait avoir une grosse inertie, fait qu'on avait besoin d'un panneau de 2 pouces d'épais. Mais là, on se doute bien que si t'as une source d'alimentation qui est fixée de chacun des côtés du panneau, qui est en aluminium, le core de ton panneau, il peut pas être en Kevlar. Ça marchera pas au niveau thermique. Il faut que t'ailles un core en aluminium. Fait que là, ça c'est un exemple de où ce qu'il fallait développer un nouveau bloc dans la boîte à outils, si on veut. Fait qu'il fallait caractériser le comportement de ce panneau-là pour pouvoir l'utiliser adéquatement. Si on vient sur ce que tu as dit juste avant, tu as 2 sources d'alimentation en aluminium, puis tu as le core qui est en Kevlar. Pourquoi ça marche pas, ça? Ben, c'est parce que si tu as un panneau qui fait 3/4 d'épais, c'est sûr que ta dilatation thermique va être moins importante parce que c'est en fonction de la longueur, si on veut, donc l'épaisseur dans ce cas-ci. Le coefficient de dilatation d'aluminium est énorme par rapport au Kevlar. C'est même pas comparable, c'est même pas proche. Le coefficient de dilatation de l'aluminium, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Donc, ça devient une contrainte, si on veut, dans ton design. Fait qu'il faut que tu te colles à ça. C'est pour ça que c'est important de matcher, que la correspondance entre les différents matériaux ici est vraiment importante. Fait que si ta source d'alimentation est en aluminium, puis elle est fixée de part et d'autre de ton panneau, c'est important que le coefficient de dilatation de ton panneau soit très, très, très, très proche ou exactement le même. Parce que si c'est pas le même, premièrement, tu vas avoir un problème structurel, puis deuxièmement, ta source d'alimentation va bouger. Puis comme j'ai dit tout à l'heure, si tu bouges un quart de degré sur ton panneau en haut, à 30 000 km dans l'espace, ici, ton signal, tu vas perdre ton cellulaire, tu vas perdre ta TV, tu perds tout. Là. Ben moi, je me serais questionné un petit peu plus sur les méthodologies de conception là, de toutes les structures composites. Plus précisément, tu sais, vous avez... une enveloppe, une fonction, puis comment vous choisissez les matériaux, comment vous choisissez les épaisseurs, comment vous... Les épaisseurs, l'orientation de la fibre, tout ça, ça fait partie d'un ensemble, quand je décrivais les blocs Lego la dernière fois, ça fait partie de ça, donc on avait là vraiment un standard au niveau épaisseur de panneaux, épaisseur de core, épaisseur de laminé qui sont sur les panneaux sandwich. Tout dépendant de l'utilisation du code loading, on avait là vraiment des recettes qu'on pouvait utiliser qui avaient été bien éprouvées dans le passé. Fait intéressant, sur les surfaces réflectives, l'orientation de la fibre est vraiment importante parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, la fibre de carbone, c'est conducteur. Donc, au niveau RF, c'est pas transparent. Donc, un réflecteur de souvenir, ça coûte à peu près 250 000 $. Fait que quand c'est toi qui fais le dessin, si on veut, pour dire au manufacturier, tu me mets l'orientation, s'il vous plaît, de la fibre dans ce sens-là, tu as intérêt à pas te tromper. Fait que ça, c'est un des éléments sur lesquels il fallait vraiment faire attention. Sinon, souvent, là, les points d'ancrage entre le réflecteur puis la structure du satellite étaient vraiment importantes. Puis pour ce faire, là, c'était majoritairement du temps un collage composite aluminium ou un collage composite titane. Majoritairement titane, souvent, parce que justement la dilatation thermique est moins importante. Les étudiants qui écoutent, ils vont pouvoir faire des parallèles parce que une des balados, c'est avec Roland Delorme qui travaille chez Stelia Composite, qui ont fabriqué certaines des pièces de MDA. Et puis il parle de ça, il parle des capacités réflectives des fibres de carbone. Et lui, par contre, il est dans le shop et il explique qu'ils viennent vérifier au degré près l'alignement des fibres. Et puis, il y a plusieurs personnes qui viennent vérifier pour chaque couche pour s'assurer que tout est parfait. Donc, ça permettra de faire un parallèle avec ça. Ouais, tout à fait. Stelia, effectivement, c'était un de nos très gros fournisseurs. C'est à eux aussi, je pense, si je me rappelle bien. Parce que, tu sais, tout à l'heure, j'ai décrit, là, il y a à peu près entre 100 et 200 pièces. Ben, sandwich, si on veut, qu'on vient coller en arrière de la surface réflective. Ça, dans le fond, c'est des panneaux de sandwich de 4 par 8 dans lesquels on vient faire, tu sais, qu'on vient positionner toutes les pièces pour qu'ils se fassent découper, là. Ça aussi, c'est une opération qui est quand même assez critique, là, d'un point de vue fournisseur, là. Très, très, très important, tu sais, d'avoir les bonnes épaisseurs de laminer à la bonne place. Puis pour que ça fitte bien aussi avec la surface réflective. Parce que la surface réflective, c'est pas une surface qui est constante, si on veut, hein. Pour conformer aux besoins RF, là, il y a des bumps dans ces surfaces-là. Fait que les structures sandwich en arrière, ils doivent se conformer à ça. Puis c'est tout un défi pour les assembleurs. C'est impressionnant à voir aller, honnêtement, là. C'est très bien. Puis aussi, qu'est-ce qui est intéressant dans cette industrie-là, c'est que, bon, comme j'ai dit tout à l'heure, la position du réflecteur sur le satellite est vraiment importante. Mais ça veut dire qu'il faut que ton réflecteur soit bien bâti, mais ça veut aussi dire qu'il doit être très, très, très, très bien positionné sur la structure qui va sur le satellite. Fait qu'on a des robots pour ça, là, qui viennent prendre le réflecteur, le positionner, là, vraiment juste à la bonne place. Fait que là, on a des instruments de mesure qui vont, je pense que c'est à 1,5 millième près. Fait que t'as une surface de 2,5 mètres de diamètre à peu près qui est positionnée dans l'espace à quelques millièmes près. Fait que c'est pour ça, c'est vraiment une industrie là qui est passionnante. Là. C'est une des raisons. Et puis après MDA, qu'est-ce que t'as fait? Après MDA, j'ai délaissé un peu le côté technique. Je suis tombé gestionnaire d'un projet chez Moisson Composite, mais quand même près du côté technique. Puis là, dans le fond, c'est tout ce qui est développement de nouveaux produits. Fait que développement de nouveaux fauteuils, développement de nouveaux accessoires. Puis c'est une industrie qui est très différente. Hein. Tu passes d'une industrie, MDA, tu développes jamais il y a jamais deux réflecteurs qui sortent qui sont identiques. Ça se peut pas. Mais quand tu dis qu'il n'y a pas deux réflecteurs qui sortent qui sont identiques, peut-être à l'époque où t'étais là, mais avec les constellations de satellites, j'ai l'impression qu'il y a des séries qui s'en viennent là de. Ouais. Puis qu'il va peut-être falloir adapter les méthodes de fabrication pour produire de la série un petit en peu. En fait, c'est un excellent point, Martine. Ces réflecteurs-là sont en aluminium, par contre. Ce qui est beaucoup plus économique. Mais effectivement, les constellations, c'est pas des. Il y a une grosse différence entre des constellations puis des satellites géostationnaires. Des satellites géostationnaires ont une mission en particulier, vont émettre, si on veut, les ondes pour la TV, on va dire, pour tout le Québec. Alors que les stations qui sont des LEO, là, les low orbit, ils veulent juste couvrir toute la planète ou une énorme zone en même temps. Puis au lieu d'avoir des surfaces réflectives qui sont vraiment destinées à une mission propre, ils vont juste essayer de couvrir une surface. Fait que c'est ça qui permet d'avoir des satellites qui sont beaucoup plus génériques, mais en fait qui sont complètement génériques. J'ai quitté cette industrie-là il y a 3 ans et demi. Quand j'ai quitté, c'était toutes des surfaces réflectives en aluminium. Peut-être que ça allait évoluer. Et donc, Motion Composites, déjà, si tu nous rappelles, c'est une compagnie qui fait quoi et qui existe depuis combien de temps? C'est une entreprise démarrée par deux fondateurs, dont un de l'ETS, il y a à peu près 12 ans. On est situé à Saint-Roch-de-Lachigan. On cherche toujours des stagiaires, toujours des ingénieurs. Okay. C'est mon moment pub. Puis on fait des fauteuils roulants haute performance. Donc, on est fournisseur de la RAMQ, par exemple. On vend des fauteuils dans, je pense, il y a à peu près 18 pays. On est une compagnie d'à peu près 200 personnes. On est constamment en croissance. C'est une industrie super intéressante qui a une mission très valorisante aussi. C'est une des raisons pourquoi je suis allé là. Donc, on fait des fauteuils en matériaux composites. On fait des fauteuils en aluminium aussi. L'amalgame de ces deux types de matériaux-là amène énormément de... le besoin d'énormément de connaissances au niveau des procédés manufacturiers. C'est une des raisons, je pense, que le monde aime travailler chez nous. Si on pense à l'aluminium, on utilise l'extrusion, on utilise la forge, on utilise du moulage à cire perdu aussi, on utilise des surfaces anodisées. Pour le plastique, on fait de l'injection de plastique. Des fois, c'est uniquement du plastique, des fois, c'est du plastique renforcé de fibre de verre. Au niveau des matériaux composites, évidemment, on utilise la fibre de carbone. C'est pas nous qui faisons les pièces. C'est nous, notre core, c'est vraiment le design, la conception, les tests, l'assemblage. La fabrication est faite en Asie. Mais dans le cadre du développement de produits, souvent, en fait, sur tous les projets, on doit intervenir au niveau des procédés manufacturiers pour s'assurer qu'on va obtenir les résultats au niveau de la fatigue, au niveau de l'impact, au niveau des tests statiques qu'on recherche. Et un fauteuil roulant est beaucoup plus sollicité de qu'est-ce qu'on peut penser. Les tests de fatigue qu'on doit passer pour certifier nos produits, c'est quelque chose. Vous pouvez sûrement trouver des exemples sur internet si vous tapez double drum test. Dans le fond, c'est deux rouleaux qui ont des bosses dessus, donc un peu pour représenter, si on veut, quand on passe par-dessus un obstacle. On met un mannequin qui pèse 265 livres ou 350 livres, tout dépendant de la certification qu'on veut passer. On met le mannequin dedans, puis on fait juste rouler, puis ça doit faire 200 000 cycles, puis c'est quand même quelque chose à voir aller là. Fait que ça, c'est un des tests qu'on doit passer. Fait que c'est quand même assez sévère comme test, ce qui nous pousse à vraiment avoir des designs là, qui sont efficaces. Puis en plus, nous, on optimise vraiment pour le poids. On est vraiment reconnu pour ça, avoir des fauteuils légers, mais résistants. Puis comme j'ai dit tout à l'heure, là, efficace en propulsion, puis confortable à rouler. Fait que c'est des contraintes de design quand même assez sévères, puis vraiment intéressantes. Beaucoup de conception. On a certains accessoires qu'on a en OEM, mais on design tous nos produits, ouais. La conception de composite, là, ça fonctionne comment par rapport à de la conception de métal? Tout à l'heure, tu nous as parlé un peu de MDA, mais dans votre cas, là, par exemple, parce que vous avez aussi des blocs, là, pour différents types d'assemblage que vous pouvez faire, ou... Ça marche différemment chez Motion. Au départ, on s'occupait de tout. Mais avec le temps, on a fait des partenariats avec des fournisseurs qui ont de grandes capacités là, à ce niveau-là, là, en termes de définir c'est quoi l'orientation des pics qu'on veut, combien de pics qu'on a besoin, éviter, si on veut, les concentrateurs de contraintes à certaines places. Fait que nous, aujourd'hui, on va émettre des requis qu'on doit rencontrer. En général, au niveau de la conception, on va pas s'impliquer au niveau manufacturier. On va simplement émettre des requis généraux, certains plus précis dans certains cas. C'est vraiment lorsqu'on va faire des tests. Si on n'est pas capable de rencontrer les requis, c'est là où ce qu'on va souvent couper des pièces pour voir comment qui ont été faites. Est-ce que ça fait du sens? On va faire une pyrolyse pour voir c'est quoi l'orientation des plis, puis faire comme c'est bizarre, on n'a pas une structure symétrique, comment ça se fait, y a-t-il une raison en arrière de ça. Fait que c'est vraiment au niveau, si on n'est pas capable de rencontrer les requis avec ce que le fournisseur va nous proposer, c'est là qu'on va creuser plus. Mais maintenant, aujourd'hui, à la grosseur qu'on a, au nombre de pièces qu'on a, le design vraiment en détail de la structure composite, on va s'y pencher beaucoup moins. On va y mettre les requis. Mais comme j'ai mentionné, là, on fait plus là, du design de stack-up là, de laminer. Là. Fait que tu dis que tu fais la conception générale du fauteuil, mais que toute la conception de détail, là, dimensionnement fin, puis tout ça. Exactement. Ça, c'est outsourcé. Exactement. Souvent, on va émettre des recommandations en discutant avec le fournisseur. Il va nous expliquer un peu comment il pense faire. On va le challenger autant au niveau des détails qu'au niveau des procédés. Mais en général, celui qui a le dernier mot, mais il est imputable à ce que ça fonctionne. Puis là, si ça fonctionne pas, c'est là où on va jumper vraiment plus dans les détails. Là. Et lui s'occupe donc de la conception fine exact. Et de la fabrication. Exactement. Puis, tu sais, tout ça dans un souci, tu sais, pour nous, la vélocité de développement de produit, tu sais, le time to market est super, super, super important. Fait que c'est pour ça que c'est important d'avoir un bon partenaire comme ça. Sinon, tu sais, c'est sûr que, tu sais, il faudrait grossir notre équipe. Donc, c'est un choix d'entreprise. Il y en a qui décident de garder tout à l'intérieur, il y en a qui décident d'établir de partenariat. Il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés. Juste par curiosité, le fournisseur, c'est lui qui est basé en Asie, c'est ça? C'est intéressant. D'habitude, pour les composites, souvent, le savoir-faire, puis j'ai l'impression que la fabrication reste proche, généralement. On veut garder la main dessus parce qu'il y a besoin de beaucoup de qualité. Par exemple, dans le cadre de MDA, ce que tu disais avant, enfin, souvent pour l'aérospatial. Ouais. Là, par contre, vous prenez le risque, puis vous avez trouvé un partenaire qui est capable de vraiment... Exact. C'est exactement comme tu l'as dit, dans l'aérospatial, dans le space, ils vont garder ça très local, ils vont le voir avoir un énorme contrôle, la proximité, mais pour tout ce qui est des produits de consommation, mais je dis de consommation, c'est pas un produit de consommation, là, mais un marché de plus de masse, si on veut, là. Si on regarde l'industrie du vélo, c'est exactement la même chose. C'est tout fait en Asie. Évidemment, tu sais, ces entreprises-là ont des équipes sur place. Nous, c'est la même chose. On a une équipe sur place qui s'assure de la qualité, qui peuvent aussi aller aider à déboguer si jamais il y a des problèmes manufacturiers. Mais c'est commun, là, pour ce type d'industrie-là. Puis, tu sais, on se le cachera pas, là, c'est beaucoup par souci de coût. La main-d'œuvre ici est beaucoup plus dispendieuse qu'en Asie. Donc, c'est une des raisons principales. Faites-vous de l'optimisation? Comment est-ce que vous savez si le fauteuil que vous avez actuellement, c'est le fauteuil le plus léger possible? Ou est-ce que vous faites un peu confiance à votre fournisseur là? En fait, quand on fait du développement de produits, on fait tout le temps de l'optimisation pour le poids. Là. Ça fait partie de notre identité, là, motion composite. Fait que souvent, on va vraiment aller à la limite, limite, limite, limite. Puis c'est là où c'est important de faire des tests statiques, des tests de fatigue, puis des crash tests. Ça nous permet de voir un peu c'est quoi le maillon faible. Puis on résout un maillon faible à la fois. Des fois, on peut en résorber plusieurs en même temps. Mais on va tout le temps commencer à la limite. Puis aussi, quand même, pour tout ce qui est aluminium, on fait beaucoup d'analyses FEA. C'est plus simple à ce sens-là. L'analyse FEA des matériaux composites, on le fait aussi, mais vous en doutez bien, les analyses par FEA des matériaux composites, c'est comment que je dirais ça? Plus difficilement fiable. FEA, c'est les éléments finis. Exactement. Finite Element Analysis. Tu disais c'est plus difficilement fiable, tu peux détailler un peu? Un aluminium, on peut assumer qu'il est isotrope, hein? Puis on peut quand même facilement assumer que si le fournisseur il est bon, mais on n'aura pas de porosité. Fait qu'en généralement, c'est quand même assez... Les analyses par l'élément fini sont quand même fiables. C'est sûr qu'il y a l'élément de la soudure qu'il faut prendre en compte, qui est dépendante quand même de la main-d'œuvre, de la personne qui fait la soudure. Mais pour les matériaux composites, en cas d'expérience, c'est beaucoup plus sensible au niveau de la main-d'œuvre. C'est quand même tout à fait pertinent là, de faire une analyse par élément fini, ne serait-ce qu'au moins pour voir où sont les zones plus faibles. Comme ça, on peut prêter plus attention, mettre des plans de mitigation pour éviter qu'il y ait des ruptures à ces places-là. Fait que ça, c'est une chose qu'on fait. Par contre, en tout cas, de mon expérience, on ne pousse pas assez les éléments finis pour prévoir là, vraiment avec grande précision. Là. Fait que c'est pour ça que souvent, on va faire plusieurs rondes de prototypes avec le fournisseur. Souvent, on va lui demander plusieurs types de prototypes d'un seul coup. De sorte que, bon, on connaît la structure, on sait à peu près c'est quoi nos zones faibles. Là, on va tester, puis on va voir là c'est quoi les différentes zones qui sont en problème. Comme ça, après ça, on peut focusser sur ces zones faibles-là. Comme ça, ça nous permet là quand même, en couplant l'analyse par l'élément fini puis les tests, ça nous permet quand même de nous assurer d'avoir une structure très légère. Il y a des méthodes numériques, il y a de l'expérimental, puis il y a un début, je sais pas comment vous partez avec quoi exactement pour commencer? Parce que là on parlait de l'optimisation, mais comment vous partez avec la première version? Vous laissez le fournisseur vous donner une première. Mais là, aujourd'hui, c'est plus facile parce qu'on a un historique. On a déjà des fauteuils qui fonctionnent bien. Chez MDA, on appelait ça l'héritage. Fait qu'on a de l'héritage. On a des expériences passées. Des fois, c'est déjà arrivé. On met une structure en marché qui a passé nos tests, mais le marché a une réalité différente. Des fois, c'est plus. Quand je dis sur le marché, c'est une utilisation normale. Fait qu'un utilisateur, on va dire que lui, il est spasmique. Mais ça, c'est des contraintes répétées sur le fauteuil. Ça, malheureusement, c'est pas quelque chose qu'on teste. Fait que souvent, tu sais, une structure qui va avoir passé toute la série de tests, on met ça sur le marché, puis finalement, on se rend compte que finalement, il y a des bris qu'on n'avait pas prévus. Là, c'est un autre exemple où ce que, tu sais, nous, on optimise vraiment pour le poids. Des fois, ça adresse pas certains cas particuliers. Fait que là, il faut réviser le design pour pouvoir se conformer à ces besoins-là. Puis, si on parle un peu procédé, comment vous les fabriquez, vos fauteuils? Comment votre fournisseur les fabrique? Quel procédé il utilise? C'est grosso modo du RTM. Tout dépendant des pièces, là, mais grosso modo, c'est du RTM. Le RTM, par exemple, est-ce que tu pourrais nous décrire ce que c'est? En gros, dans le fond, le RTM, c'est qu'on va avoir un moule dans lequel on va venir placer notre fibre. Donc, il faut faire évidemment attention à l'orientation de la fibre. C'est hyper critique. L'orientation de la fibre, si elle est mal placée, va jouer sur le comportement de la structure et sa résistance aussi. Donc, quand on positionne la fibre dans un moule de RTM, ce n'est pas une fibre pré-imprégnée, hein. C'est une fibre qui est sèche. Donc, une fois que la fibre est disposée, on vient fermer le moule. Donc, c'est un moule qui théoriquement en deux portions. Tu vas aussi avoir des noyaux quand tu as une section fermée, ce qui est le cas pour nous. Et ensuite, tu as un dispositif qui vient injecter de la résine, mais à très très haute pression. Et avec un cycle de chaleur que je ne me rappelle plus, mais j'assume que la résine, le polymère est quand même chaud et le moule de RTM chauffe aussi pour promouvoir la polymérisation de la résine. Après un certain cycle, donc tout dépendant de la résine, il va avoir un temps de polymérisation X. Donc, le fournisseur connaît bien sa résine, donc il sait exactement quand il peut optimalement arrêter son cycle. Donc, il va venir séparer les deux portions du moule, il va pouvoir venir enlever le noyau. Puis ensuite, on a une pièce qui est extirpée du moule, qui doit maintenant être retravaillée pour pouvoir être utilisée en assemblage. Et puis le RTM là, le procédé, tu dirais que c'est un procédé comme de haute performance ou c'est un procédé cheap, c'est... Non, non, c'est quand même de haute performance. Si on voulait le lister ou plutôt mettre en ordre là, du plus cheap, comme tu dis, à plus haute performance, en bon français, on aurait le wet lay-up en premier, où ce qu'on vient vraiment badigeonner à la main une résine. Après ça, on met ça dans un sac qui est scellé, on tire le vide. Après ça, on attend que la résine polymérise. Fait que ça, c'est le wet lay-up. Ensuite, on aurait l'infusion, où ce qu'on a un volume qui est hermétique. On vient tirer l'air de ce volume qui est hermétique-là, qui, à son tour, va aspirer la résine qui est dans un récipient à côté. Fait que la résine migre tranquillement, peu vite, jusqu'au port de suction d'air. Évidemment, une fois que la résine a complété son chemin, il faut laisser le temps à la résine de polymériser. Ensuite, on démoule tout ça. Puis ensuite, on aurait la RTM, qui est quand même assez un processus, un procédé manufacturé quand même assez évolué, qui demande quand même des beaux sous là, en termes d'outillage. C'est des belles machines avec des gros moules. Surtout si on veut optimiser pour un temps de refroidissement, c'est-à-dire que de mémoire, là, souvent on va attendre de laisser le moule refroidir jusqu'à une certaine température avant de venir démouler. C'est sûr que si on veut gagner du temps, on va mettre des canaux de refroidissement dans l'outillage. Fait que ça devient quand même assez dispendieux, mais c'est très efficace comme procédé, notamment au niveau de la porosité qu'on va avoir dans la pièce, qui est vraiment plus faible que l'infusion, qui elle-même est beaucoup plus faible que du wet lay-up. Petite question, ils utilisaient quoi chez MDA? Chez MDA, on utilisait un procédé en autoclave. Il va où lui dans ce que tu viens de décrire un peu? C'est pas très fancy, c'est juste très très très très coûteux. En fait, un autoclave, c'est un énorme volume scellé. Donc, ça peut, une autoclave, ça peut facilement faire 4 mètres de diamètre par 10 mètres de long. Donc, il faut tirer tout l'air qui est dans ce volume-là. On met aussi généralement un gaz inerte, de l'argon de mémoire, pour avoir un meilleur résultat. Et puis, dans le fond, le but, c'est de mettre une chaleur et une pression dans l'autoclave. Donc, en tirant l'air, on crée le vide. Donc, ça crée la pression sur le moule. Puis, un moule pour un panneau de composite, c'est simplement genre une grande table sur laquelle on vient déposer le panneau de 4x8 de composite. Mais il faut quand même garder en tête l'expansion thermique. Hein? Parce que l'autoclave, il va monter de mémoire... Je me rappelle pas exactement, là, mais ça doit être autour de 200 degrés, 190 degrés de mémoire. Donc, si on a une table en aluminium, oubliez ça, avoir un beau panneau, ça va sortir de là, ça marchera pas, tu sais, parce que la dilatation thermique de la table d'aluminium par rapport à un panneau qui est une combinaison de Kevlar puis de composite, ça fonctionnera pas. Cette table-là est faite avec un alliage qui a un taux de dilatation thermique très, très, très, très, très faible. Ouais, J'essaie de me rappeler le nom. Ça commence par IN. Oui, oui. C'est du Invar. Oui, Invar. On va le laisser pour les étudiants. Mais oui, effectivement, il y a un alliage juste pour ça. Donc, c'est ça. Puis, bon, évidemment, en termes de construction, là, pour un panneau sandwich comme ça, c'est des feuilles de tissé pré-imprégnées. C'est du satin 5S pré-imprégné. Tout dépendant des besoins, on va mettre un différent nombre d'épaisseurs. En général, c'est tout le temps la même orientation pour les panneaux. Et puis donc, c'est des feuilles de pré-imprégné satin 5HS avec un corps de Kevlar. Fait en général, qu'est-ce qu'ils faisaient de mémoire? C'est qu'ils faisaient polymériser les feuilles. Fait qu'ils faisaient les laminer en premier dans l'autoclave. Une fois que les feuilles de laminé étaient polymérisées, c'est là qu'ils venaient faire l'assemblage avec le corps de Kevlar. Fait est-ce que c'est un processus hyper évolué? J'ai le goût de dire non. Ça fait longtemps que ça existe. C'est pas une nouvelle technologie. C'est hyper coûteux. Mais c'est qu'est-ce qui convient à cette industrie-là. Mais définitivement, nous, on fait aucune... Chez Mosson, on fait aucune pièce en autoclave. Et le RTM, là, le procédé, c'est récent? C'est une bonne question. J'ai le goût de dire que c'est beaucoup moins récent que l'autoclave. À partir de quelle année que ça a été démocratisé? J'ai le goût de dire dans les années 2000. Entre 2000-2010, là, dans ces eaux-là, là, mais je pourrais me tromper. C'est pas mal plus récent que l'autoclave. L'autoclave, ça fait plus longtemps que ça que c'est utilisé. Puis si on se tourne un peu vers l'avenir, pour ton industrie dans laquelle tu travailles actuellement, donc faites actuellement des fauteuils qui ont des propriétés spécifiques très bonnes, donc ils ont des bonnes propriétés mécaniques et ils sont légers. Qu'est-ce que vous pourriez faire de mieux et qu'est-ce que vous prévoyez de faire dans l'avenir là? Quelles difficultés vous voyez aussi et quelles opportunités? Nous, on utilise en ce moment du thermoplastique pour faire certaines pièces. On utilise l'injection de thermoplastique. C'est pas nouveau. Là, nous, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on est les seuls pas mal là, dans l'industrie à utiliser? Je pense que c'est des thermoplastiques chargés de fibres de verre. Pour l'instant, c'est de la fibre courte, mais l'avenir est à la fibre longue. Fait que ça, c'est une chose. Là, on parle de freins, tu sais. C'est des pièces relativement petites, mais qu'on fait quand même assez haut volume. Tu sais, les thermoplastiques, souvent, une des limitations à l'utilisation des thermoplastiques, c'est qu'il y a un certain coût au niveau des toolings. Fait que pour avoir un retour sur investissement intéressant, il faut avoir un certain volume. Maintenant, tu sais, Mosson est en croissance. Fait qu'on arrive, là, dans une zone où ce que c'est intéressant pour plusieurs pièces d'utiliser un procédé comme ça. Puis ça fait déjà un certain temps, là, qu'on les utilise. Puis là, justement, dernièrement, on poussait vraiment à la limite du matériau, puis il a fallu faire énormément d'itérations pour arriver à nos fins, mais on a fini par y arriver. Puis là, plus ça va aller, plus on va pouvoir trouver des applications à ces éléments-là, surtout si on arrive à pouvoir utiliser de la fibre longue dans l'injection de plastique. Pour l'instant, on utilise la fibre de verre, mais la fibre de carbone s'en vient. Ça va devenir assez intéressant. Puis qu'est-ce qui serait vraiment, vraiment, vraiment intéressant? C'est à terme pouvoir faire des cadres de fauteuils en thermoplastique. Là, on jase. Là, on jase. C'était des belles grosses structures avec des beaux défis. Là, le gars en maîtrise en morceaux, là, puis il aimerait bien ça, essayer ça. Puis, je veux dire, la technologie existe pour, ça se fait. Maintenant, faut juste trouver le guts de faire l'investissement puis d'essayer. Donc l'avenir, c'est que des pièces composites, il n'y aura plus de plastique pur et plus de thermoplastique. Tout dépendant de l'utilisation, ça dépend c'est quoi ton cas de chargement. Il y a des pièces pour lesquelles on n'a absolument pas besoin de fibre dedans. Ça dépend vraiment c'est quoi, là. Il faut quand même utiliser les choses intelligemment. C'est ça, ça dépend vraiment du chargement. Mais tu sais, un cadre est super sollicité. Puis il y a vraiment des bonnes raisons d'utiliser du thermoplastique. On l'a dit tout à l'heure, là, les temps de cycle sont vraiment, vraiment courts. Au niveau opérationnel, pour un fournisseur, il y a énormément à sauver. Ça coûte cher en tooling, mais l'RTM aussi, ça coûte cher en tooling. Simplement qu'il faut faire un projet de recherche, puis trouver une manière économique de faire une structure comme ça en thermoplastique. Et puis donc ça, c'est c'est un peu les défis aussi, mais vois-tu des problèmes majeurs avec l'industrie dans laquelle... Si on parle par exemple de qu'est-ce qui arrive à tes fauteuils en fin de vie? Ah, ouais, c'est une bonne question. Écoutez, qu'est-ce qui est vraiment le fond au Québec, c'est qu'on a la RAMQ. Il y a des bons côtés, puis il y a des mauvais côtés. Un des bons côtés, c'est que la RAMQ est pas mal une des très peu nombreuses places qui revalorisent les fauteuils. Normalement, à la RAMQ, tu vas avoir une prescription pour un fauteuil, tu vas avoir ton fauteuil pendant 5 ans. Après 5 ans, tu sais, ta condition physique va évoluer, tu peux avoir droit à un autre fauteuil. Qu'est-ce qui se passe au bout du 5 ans? C'est que si ton fauteuil est encore en bon état, la RAMQ récupère le fauteuil parce que le fauteuil appartient à la RAMQ. Puis ils vont changer uniquement les pièces qui sont problématiques, tu sais, qui ont vraiment de l'usure. Voilà. Ils prennent le fauteuil puis le donnent à quelqu'un d'autre. Fait qu'au Québec, la question de qu'est-ce qui se passe avec ton fauteuil est pas mal plus agréable que qu'est-ce qui se passe aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. En général, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le monde vont soit faire une collection de fauteuils, ça prend de la place, ou sinon, il y a quand même un marché secondaire pour ça, mais on s'entend que en général, ça va finir, j'espère, au recyclage. Un fauteuil d'aluminium, ça se recycle bien, évidemment. Un fauteuil de carbone, ça se recycle pas. À moins que tu décides de revaloriser la fibre en la déchiquetant, en l'utilisant comme charge pour... utilisation XYZ, ouais, c'est ça, exactement. Ça peut être intéressant, mais à un moment donné, avec toute la fibre de carbone qui se ramasse aux poubelles, c'est impossible de trouver une utilisation pour tout ça, là. Puis c'est un des intérêts du thermoplastique, c'est que ça a la prétention de pouvoir être mis en forme plusieurs fois. Fait que, théoriquement, on pourrait réutiliser, si on avait un cadre de fauteuil roulant qui était fait avec du carbone PPS, par exemple, on pourrait chauffer, déformer, puis à la limite faire une sculpture avec si on veut. Effectivement. Ou, s'il y a un bris dans la structure, ben on peut venir faire une réparation justement quand même assez facilement, puis de manière quand même relativement élégante. Quand je dis élégante, c'est qu'esthétiquement, ça paraît pas trop. Je me demandais, Patrice, tu parles des bris dans la structure, mais on sait là, que les composites, il y a beaucoup de défauts de fabrication là, qui sont créés. Tu as parlé tantôt là, que des fois, vous faisiez des pyrolyses pour vérifier les empilements que vous receviez, puis tout ça. Mais évidemment, vous ne pouvez pas détruire toutes les pièces qu'on vous envoie. Là. Est-ce que vous utilisez des méthodes non destructives pour l'inspection des pièces qui vous sont acheminées par vos fournisseurs? La réponse est oui et non. Quand on est en développement, oui, beaucoup. Quand on est en production, il y a des contrôles de qualité qui sont moins coûteux. Mais beaucoup en développement, si on pense justement à des cadres ou tout à l'heure quand je parlais qu'on avait poussé vraiment la limite là, pour le frein qui avait été injecté avec c'est du nylon puis de la fibre de verre, on a eu beaucoup de problèmes de porosité avec cette pièce-là, puis on faisait des C-scans de mémoire pour pouvoir voir c'était quoi la porosité, si on avait encore des problèmes dans certaines zones qu'on connaissait bien. Je suis juste pas sûr si c'était un C-scan, mais c'est non destructif là. Ça te donne ça, quoi toi? Qu'est-ce que tu obtiens comme résultat? Ça fait longtemps. Ben dans le fond, un C-scan, ça te permet de voir un peu les défauts à l'intérieur. S'il y a quelque chose qui n'est pas constant à l'intérieur d'une structure, tu vas voir l'image, tu vas voir une variation de structure. Ça fonctionne avec des ultrasons, si je me rappelle bien. Mais les étudiants pourront faire une recherche plus approfondie s'ils veulent. Fait que oui, c'est quelque chose qu'on utilise, mais beaucoup plus en développement. Quand on va être en production, là, fait qu'on va recevoir des pièces de production. Le fournisseur, il y a des batteries de test qui doit faire passer un certain lot de pièces Par exemple, des tests soit d'impact ou des tests de déformation pour lesquels il ne doit pas dépasser une certaine déformation pour une certaine force sur un test statique. Ou sinon, c'est ça, là, un test, on fait quand même pas mal de tests d'impact aussi. Là. Fait que ça, c'est des tests qui sont destructifs, mais ils ont des montages qui sont faits pour ça. Ça se fait très rapidement, puis ça leur permet de déceler certains problèmes. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour les étudiants qui prennent les cours de composite en ce moment? Mettez les mains dedans. Moi, quand j'étais à l'université, ben, c'est comme ça que j'ai eu la piqûre pour les matières composites. Je suis parti à un club étudiant qui avait qui avait besoin de fibre de carbone. J'ai senti de la résine pendant 2 ans. Là, y a rien de tel pour bien comprendre c'est quoi la réalité. Tu sais, tout à l'heure, quand je parlais, là, c'est hyper sensible par rapport à la personne qui fait la fabrication. Y a rien de tel pour le faire que pour bien comprendre là, c'est quoi tous les enjeux. Tu sais, aligner de la fibre, c'est pas facile. Réussir une infusion du premier coup, c'est pas facile. Il y a plein de petites stratégies aussi en faisant, c'est facile de comprendre c'est quoi les éléments de design qui sont importants pour faire un moule bien réussi. C'est comme dans n'importe quoi, là. Il n'y a rien de tel que la pratique. Ça reste un peu un art, les composites. Faut le pratiquer. Exact. Ben, merci beaucoup pour ton temps. Merci pour ton temps aussi, Martine, pour nous avoir rejoints pour cet enregistrement. Et puis, ben, écoute, peut-être que des étudiants te contacteront avec des questions sur l'un des thèmes dont on a parlé. Donc, je mettrai ton LinkedIn et je vais mettre aussi des vidéos et des extraits de ce que tu as évoqué là quand tu as dit aller sur Google. Ça va accompagner l'épisode, donc les gens pourront y avoir accès facilement. Excellent. Bonne journée virtuelle de la fin du podcast. Bonne journée.